Tu verras, elle ne résistera pas longtemps. Hola, bonsoir. Gabon. Bienvenidos, bienvenue. Un dieto de Aurala, musique. Estáis sintonizando Irolai Ratia 107.5 FM o el W sin dominio. .net/irola o en archive.org para descargar este programa, los programas de la Irola y escucharles cuando tú quieras. Esta noche gatos van a maullar, nos vamos a dar un placer, vamos a escuchar música, canciones, pero no cualquiera, soy canciones eróticas, calientes, cuando la temperatura sube al entender la primera nota. Canción de una cena en enamorados. Canción de una mañana al despertarse, ¿no?, en la camita. Canciones de otro tiempo, a veces ya pasadas. O más modernas, más contemporáneas, más groove, más rock and roll. O sea, músicas, canciones para hacer el amor, pero también para follar. Encender velitas, tumbaros tranquilamente en la cama. Solo o acompañado, sola o acompañada. o acompañados o acompañadas. Y empezaremos con un tema de Serge Gainsbourg. Claro, ha escrito muchos temas eróticos. Y este, para empezar, más se llama La receta del amor fou, La receta del amor loco. No muy sensual, pero ahí va. Dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre. Sur canapé, laissez s'asseoir et se détendre. Versez une larme de Porto et puis mettez-vous au piano, jouez Chopin. Avec dédain, égrenez vos accords, et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le second soir, faites revenir ce cœur bien tendre. Faites mijoter trois bons quarts d'heure à vous attendre. Et s'il n'est pas encore parti, soyez-en sûr, c'est qu'il est cuit sans vous trahir. Laissez frémir. Faites attendre encore, et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le lendemain, il ne tient qu'à vous d'être tendre. Tamisez toutes les lumières et sans attendre. Jouez la farce du grand amour. Dites jamais, dites toujours, et consommez sur le canapé. Mais après les transports, ah, s'il s'endort, alors là, foutez-le dehors. Gainsbourg et la recette de l'amour. Et vamos a seguir con un tema de Juliette Gréco. Escrita por Robert Niel, la interpreta Juliette Gréco en 1967. Esa canción de amor, de seducción, destinada en origen a una striptease. Y entonces propuesta a la cantante más adulada, más adorada en Saint-Germain-des-Prés en esta época. Y es ella que ha añadido al final en la grabación Et vous déshabillez-vous. El tema se llama Déshabillez-moi, desvestirme. Ella añadió al final Y ustedes desvestiros. Juliette Gréco y Déshabillez-moi. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes oppressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard, dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, avec délicatesse, en souplesse et doigté. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissant d'effet de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi maintenant tout de suite. Allez vite. Sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Et vous, déshabillez-vous. Déshabillez-moi. Desvestirme y c'est pas saber consumirme. Allez, si, eso es oulala, musique, musicas, eróticas. Y vamos con el Maximum Quet. Una banda mayormente formada por chicas. Maximum Quet, como Maximum Coretas. Con un tema que me gusta mucho después de desvestirse. El tema se llama Fuck Me Tender, but Fuck Me True. Ces quelques mots au creux de ta bouche, j'ai léché ses rebords, voilà ce qui me touche. J'ai pris ton odeur là où je m'incline, j'ai goûté à ta sueur là sur ta poitrine. J'ai mordu ton oreille pendant ton sommeil, j'ai fait le tour du lobe et vu plein de merveilles. J'ai goûté tes orteils un matin au réveil. Ma langue a fait le tour de tes burnes, mon amour. Fuck me tender, fuck me true, fuck me tender, cause I want you. J'ai cueilli un soupir

regard absent et son iris absinthe. Quand crachent les enceintes de la sono lançant accords de cartes et de quintes. Tandis que Marilou s'esquinte, la santé s'éreinte à s'envoyer en l'air. Lorsqu'en un songe absurde, Marilou se résorbe, que son coma l'absorbe en pratiques obscures. Sa pupille est absente, et son iris absinthe, sous ses gestes se teinte d'extase sous-jacente. À son regard, le vice donne un côté salace, du bleu lavasse de sa paire de Lévis, tandis qu'elle exhale un soupir au menthol, un débile mental perdu en son exil physique et cérébral joue avec le métal de son zip et l'atoll de corail apparaît. Elle s'y coca-colle à un doigt qui en arrêt au bord de la corolle est pris près du calice. Vertige d'Alice de Lewis Carroll. Absinthe, subrepticement se teinte de plaisirs en attente. Perdu dans son exil physique et cérébral, un à un, elle exhale des soupirs fébriles parfumés au menthol. Ma débile mentale fait teinter le métal de son zip et Narcisse. Elle pousse le vice dans la nuit bleue lavasse de sa paire de Lévis. Arrivée au pubis, de son sexe corail écartant la corolle, prise au bord du calice de vertigo, Alice s'enfonce jusqu'à l'os. Cette Narcisse se plonge avec délice dans la nuit bleu pétrole de sa paire de Lévis. Elle arrive au pubis et très cool au menthol. Elle se self-contrôle son petit orifice. Enfin, poussant le vice jusqu'au bord du calice. Un doigt sexe symbole s'écartant la corolle. Sur fond de rock'n'roll s'égare mon Alice. au pays des malices de Lewis Carroll. Variation sur Marilou, variaciones sobre Marilou. Vamos con otro temita de Alain Bashung. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Mi pequeña empresa no conoce la crisis. Esta canción, pues, presta interpretaciones diversas. De primera parece ser cuestión de estado de alma, ¿no? De un jefe de empresa cogido por su business. Pero escuchando más cerca, más atentamente las palabras, las letras, entendemos que es sobre todo cuestión de una empresa amorosa. Aquella de una mente. Una mente que piensa solo en una mujer guapa que exhibe sus tesoros satinados, dorados, deseados. Y esa carne dorada que conduce el cantor a palpar aquí ese epidermo que hace que me erecto y que hace que trabajo. Y a saber lo que se erecta, lo que se levanta así a la vista de esa chica. Des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée, et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos. Là s'écoule à mes oreilles ma petite entreprise, connaît pas la crise, s'expose au firmament. Suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je sucre, fait que je toque à chaque palier, escalier, ces bâtiments B, à l'oreille de ce lèvre. mes lubies. Là, je coule à mes oreilles ma petite entreprise. Connais pas la crise. Épanouie et l'exil des trésors satinés. Doré à souhait. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, l'aube à Allez, ma chung, ma petite entreprise, mes pequeña empresa. Un poquito de historia con una expresión francesa. Se donner mal de chien. Darse un mal de perro. Que es como, ahora significa como esforzarse para lograr algo. De acuerdo, el perro es el mejor amigo del hombre, pero el animal doméstica ocupa otro sitio en el principio del siglo XX. Los perritos, así en Carlin Bichon, no sé en castellano, perros pequeños, estaban especialmente educados, domados para a comer el coño de esas damas de la alta sociedad. Sí, sí, es verdad. Así que estos pequeños perros acababan muy, muy rabiositos por hacer un trabajo de perro. Porque era un trabajo. Se donner un mal de chien. Así que seguimos con un tema Gainsbourg y Jane Birkin. El tema se llama 69, année érotique, 69, año erótico. Thank you. pardonnera ses caprices jusqu'en 70. 69. Seguimos con un dúo de dos hermanos, los frères Volovich. Uno es cantante y guitarrista en el grupo de los Wingles. Y este tema dice: c'est pas tout ça, no es todo, pero es la historia típica de un chico o una chica fumando sus poritos y tomando sus litronas ahí sobre un banco, y él no sabe cómo acercarse a ella y ni ella a él, y acaban al amanecer, pues que ella se marcha y lo deja. ¡Bah! D'abord elle est intelligente, en plus elle est vraiment marrante, mignonne un peu trop midinette, mais là ce soir elle est parfaite. On s'est causé sans faire exprès, maintenant on se parle de très très près, assis sur un petit banc en pierre, on est tout seul, on boit de la bière. Elle commence à rouler un joint, c'est cool, moi je louche sur ses seins, et quand elle relève la tête, je pense qu'elle croit que je regarde son pet. J'ai perdu le fil de son histoire, je suis bourré, il fait nuit noire, mais comme elle finit par, c'est dur, je réponds un truc du style, c'est sûr. Pas tout ça, mais quand est-ce qu'on baisse? C'est pas tout ça, mais quand est-ce qu'on baisse? C'est vrai, je sais qu'elle a un mec qui est DJ dans une discothèque, le genre de gars qui doit se retenir, mais ça je me retiens de lui dire. Je la laisse me faire son discours sur la fidélité, l'amour et la confiance et l'honnêteté. Bien sûr elle l'a jamais trompé, je contredis pas, je suis d'accord, mais moi là j'ai envie de son corps. Ça fait 2-3 heures qu'on discute, y'a pas d'autre mot, je suis un rude. J'insiste un peu, elle m'avoue qu'elle me trouve aussi à son goût, qu'elle a besoin de se réchauffer, elle me propose de me rapprocher. C'est pas tout ça, mais quand est-ce qu'on baisse? Pas tout ça, mais quand est-ce qu'on baisse? Je l'attendais cette réplique, et maintenant c'est moi qui m'explique. Je suis en amour, je parle de ma femme qui m'attend chez nous à Paname. Je suis sûrement con, peut-être un salaud, je m'improvise des phrases de philo. On a qu'une vie et j'ai envie, et à cette heure-là j'ai plus d'avis. Je suis coincé, voilà c'est dit, j'ai plus la notion de l'interdit. Et la picole, et le chichon, et son petit cul, ses cornichons. Demain je me traiterai de connard, mais demain c'est tellement plus tard. Besoin de vivre dans l'instant, et là maintenant c'est le bon moment. C'est pas tout ça, mais quand est-ce qu'on baisse? C'est pas tout ça, mais quand est-ce qu'on baisse? On a fini par se laisser devant un beau lever de soleil. Elle a essayé de m'embrasser, Et pour le coup, c'est moi qui avais sommeil. Faut que je retienne son prénom. On est peut-être amené à se revoir. Je suis bien content qu'elle ait dit non. Il est peut-être temps que j'arrête de boire. C'est pas tout ça. Mais quand est-ce qu'on baise ? Noé que me aburro, pero cuando follamos de los hermanos Volovich. Ya nos acercamos al final de este Ulala erotic, chanson érotique. Y por qué no haremos otro número igual, si os gusta. Y vamos a ir con un tema de Patrick Coutin, que nos canta una canción, se llama Fais-moi jouir, hazme gozar. Espero que estéis relajados en la camita. Fais-moi jouir. Final de este Ulala chanson romantique, érotique, sexuel, sensuel. Et Kao, como no íbamos a acabar con esta canción de Gainsbourg? Je t'aime, moi non plus. Te quiero, yo tampoco. La canción que fue escrita en principio por Gainsbourg para Brigitte Bardot, con quien tenía una relación un poco a escondidas, ella estaba casada con otro hombre. Pero ella no quiso cantar con él esta canción. Entonces se la guardó y la cantó años después con Jan Birkin, la que fue otra musa para él. Pero los sonidos de voces femeninas que se pueden oír en esta canción, pues hay que saber que son verdaderos de Brigitte Bardot, grabado en el acto. Así que ahí nos vamos despidiendo de Oulala, chanson érotique. Je t'aime, moi non plus. Agour, et faites gaffe à tout ce qui vient de la droite, ne lâchez rien. Thank you.